suis mon Dieu, que cet homme impuissant, se passant dans le siècle, inapte même à dire ce qu'il a vu et entendu, les cris, le sang, la chute folle des empires, la chute folle des empires. C'est assez de pleurer, c'est assez de crier, je veux chanter ce monde où dansent mes amours, et célébrer dans la douceur du demi-jour mon peu de vivre émerveillé, mon peu de vivre émerveillé. Cet invisible cheminement d'eau qui s'ouvre, et tout d'un coup jaillit pour bouillonner sa joie dans mon âme jamais inassouvie de toi. C'est aussi le au mal d'amour, c'est aussi le au mal d'amour. Le au mal écumant aux lèvres de sa proie, qui voulait se prostrer et au profond perdu, invisible oublié mais vivante blessure, ouverte au cœur comme des froids, ouverte au cœur. C'est assez de pleurer à la bonne aventure. Le monde est là qui nous attend, le monde est là. Et le chant de la terre exalte a cappella un prêt sans bonheur fou d'azur, un prêt sans bonheur fou d'azur. Ferme, ferme les yeux et regarde au-delà de ce moutonnement des vagues de la mer. Au-delà de ce cercle bleu cobalt et vert, à l'apogée de son éclat, à l'apogée de son éclat, dilate ta narine et aspire cet air qui embaume l'orange et le néroli doux. L'amitié déjà s'éveille à peine au soleil fou. Amour, il n'est que de cet air. Amour, il n'est que de cet air. Amour, il n'est que de cet air.